Chapitre 2e. À un mois de là, ils furent mariés. C'était vers la fin de mai. Le nid de verdure qu'on appelle le berceau semblait débordé de fleurs et de chansons. Par une riante matinée de printemps, Bernadou et Margot montèrent, entourés de leurs amis, à la petite église couverte de lierre, dont un grand Christ crucifié gardait le porche ouvert toujours. Un violon jouait gaiement devant eux. Et Rénalix les accompagnait d'un pas presque aussi alerte que celui qu'il avait porté 70 ans auparavant devant le même autel pour ses propres noces. Ils étaient si joyeux, et tout leur petit monde se réjouissait avec eux si volontiers. Après la bénédiction du prêtre, après la fête célébrée au logis, ayant reçu les dernières félicitations des amis, quand le violon et les chants eurent cessé de retentir, la nuit venue, Rénalix, assis seul à sa fenêtre, se mit à songer. Le clair de lune permettait à ses regards de plonger dans l'ombre de la longue rue, de distinguer la demeure de chacun des voisins, les pentes fertiles où verdissait le blé, l'éclat argenté de l'eau, la blancheur du grand Christ qui se détachait sur le ciel nocturne. Tout lui était familier et tenait à son cœur par ces associations intimes qui ne peuvent exister que pour le paysan rivé au même lieu depuis son berceau jusqu'à la tombe. Dans ces demi-ténèbres, elle voyait le moindre objet comme s'il eût été en pleine lumière. Au temps des jeux de son enfance, dans les joies et les épreuves de la maternité, dans les tristesses du veuvage, dans les années de privation, de lutte et de maladie, dans la sérénité de la vieillesse, elle avait toujours eu sous les yeux cette rue ombreuse avec ses chaumières basses pareilles aux ruches d'un jardin et cette nappe d'herbage sain de forêt, arrosée d'une eau limpide, s'étendant à perte de vue. Chaque coin de terre, chaque pli de route, était consacré pour elle par d'innombrables souvenirs. Tous ses morts bien-aimés dormaient au pied de cette croix, et quand le temps viendrait, elle irait les y rejoindre. Des larmes de reconnaissance coulèrent sur les joues ridées de Rénalix. Ses genoux tremblants fléchirent, elle demanda pour ses enfants de venir de mourir comme elle dans cette chère maison. L'année s'écoula et la chaumière ne perdit rien à posséder un nouvel hôte. Bernadou avait toujours été sérieux de caractère, et la vivacité, l'enjouement de Margot, faisaient dans cet intérieur l'effet d'un perpétuel rayon de soleil. Rénalix se félicitait sans cesse de l'avoir acceptée pour fille, toute pauvre qu'elle fût. Quant à Bernadou, il parlait peu, parler n'était pas son fait, mais son regard exprimait la joie calme d'un paisible bonheur, et sa voix avait la douceur d'une caresse quand il s'adressait à l'une de ces deux femmes. Le bambin, qui était venu avec les premières pâquerettes du printemps, avait appris à reconnaître la voix de grand-mère. Il se détournait du sein qu'il allaitait pour tendre ses bras à la bonne vieille. L'époque de la moisson approchait. Jamais on n'avait vu pareille abondance de blé. Toutes les récoltes étaient magnifiques, et les paysans, disposés d'ordinaire à se plaindre, ne pouvaient nier cette année-là les bons profits qu'ils tiraient de l'envoi de leurs denrées au marché. Par une des plus belles soirées de cette saison, hommes et femmes étant assis sur leurs portes, soit à tricoter, soit à jaser, à jouer avec les enfants, l'ancien maître de Margot passa, revenant de la ville, éloigné de 4 lieues, grande distance pour ces bonnes gens, et parcouru seulement par les gros fermiers et cultivateurs. Il s'arrêta devant la demeure de Rénalix. Il avait l'air abattu. « Mauvaise nouvelle, » dit-il, tirant un journal de sa poche. « Mauvaise nouvelle, nous allons avoir la guerre. » « La guerre ?» Tout le village se groupa autour de lui. On avait entendu parler déjà d'expéditions lointaines en Afrique, en Italie, au Mexique. Et quelques garçons avaient disparu, fauchés avec le temps par le canon. Jamais l'idée ne leur était venue que cette chose terrible, dont ils ne concevaient qu'une vague image, put atteindre un jour la France et surtout le berceau. « Lisez !» dit le vieillard, tendant la feuille imprimée à Picot le tailleur, qui passait pour le plus savant. Picot éplat, annonna la déclaration de guerre de la France à la Prusse, et un long gémissement s'éleva parmi les femmes dont les fils étaient conscrits. Les autres demandèrent tremblantes, « Cela nous fera-t-il du tort ?»« À nous !» répliqua le tailleur avec mépris. « Allons donc. Nos braves troupes seront à Berlin avant 15 jours. La Gazette le dit. » Chacun le crut, car personne ne savait au juste ce que c'était que Berlin, et personne n'osait le demander. « mon gars !» sanglota une mère de soldat. Reinalix se rappela Marengo, le jour lointain où un cavalier avait traversé le pays comme l'éclair en criant victoire, et où l'on avait allumé des feux de joie. « Le pain sera cher !» murmura le meunier. Bernadou baissait les yeux sans rien dire. « Pourquoi es-tu triste ?» lui demanda Margot, « puisque tu es exempt du service. » Il secoua la tête. « Le pauvre monde en souffrira d'une façon ou d'une autre, » répondit-il. Cependant, pour lui comme pour tous, la nouvelle n'avait rien de bien terrible. Le mal était si lointain qu'on ne pouvait lui prêter une forme précise. Picot, qui savait lire, courait de maison en maison, de groupe en groupe, hors d'haleine, orgueilleux, répétant que dans 15 jours, les Français feraient ripaille dans le palais du roi de Prusse. On le croyait volontiers. À force de bavarder sur l'événement de la soirée, le village finit par se persuader que la nouvelle était excellente. Dans les jours qui suivirent, il fallut bien que le berceau de Dieu envoyât quelques-uns de ses laboureurs rejoindre les convois que l'on dirigeait sur la frontière du Rhin. Mais, presque tous les hommes étant mariés, les sacrifices au total n'étaient pas nombreux. On parlait avec fierté de Louis et de Jean, de Jacques et d'André, qui, partis, l'espoir dans l'âme, reviendraient peut-être avec des épaulettes et la croix d'honneur. Pourquoi étaient-ils partis? On ne se l'expliquait pas bien clairement. Il s'agissait d'augmenter encore la grandeur de la France, et le peuple du berceau ne demandait pas mieux, ayant au fond du cœur un certain amour tranquille, somnolent mais profond, pour quelque chose qui est plus ou moins déterminé suivant la culture des esprits et qui s'appelle la patrie. Les nouvelles ne vinrent d'abord que lentes et rares. Il fallait pour en avoir qu'un paysan fît le voyage de la ville ou qu'un étranger par hasard vint s'égarer dans le bourg loin des grandes routes. Dans l'un ou l'autre de ces cas, les bruits étaient recueillis sans discernement. Tant que dura le mois d'août, tant que la moisson ne fut pas rentrée, la foi resta grande dans les prodiges accomplis du côté de l'Est par une invincible armée, dans le brillant avenir de Louis et de Jean, de Jacques et d'André, desquels on n'avait d'ailleurs rien appris. Sans doute ils étaient en train de jouir de leur gloire là-bas où s'écroulait le palais saccagé du roi de Prusse. Reinalix seule, dont la mémoire embrassait près d'un siècle, demeurait soucieuse. « Pourquoi ? » lui demandait-on. « Il n'y a pas lieu de s'affliger. Nous sommes victorieux, paraît-il, et nos gars nous enverront le bétail et le blé prussien, de sorte que les mendiants eux-mêmes n'auront plus l'estomac vide. » Mais Reinalix, filant au soleil, hochait la tête. « Mes enfants, je me rappelle le temps de ma jeunesse. Notre armée était victorieuse alors, du moins, on le disait. Moi, tout ce que je sais, c'est que le petit Claude et bien d'autres ne sont jamais revenus. Quant au pain, on n'aurait pu en avoir ni par charité ni pour de l'argent, et les gens mouraient de faim sur les grandes routes. « Mais il y a si longtemps de cela !» objectaient les plus jeunes. « Oui, il y a longtemps, c'est égal. Je ne crois pas que les choses aient changé beaucoup. » Par respect, chacun gardait le silence. Cependant, ils se disaient entre eux, « Elle est bien vieille, tout change. » Un soir que le soleil se couchait sur les champs moissonnés, deux hommes passèrent au galop, pressant du fouet et de l'éperon leurs chevaux épuisés. Sans s'arrêter, ils crièrent aux paysans de leur dire s'ils n'avaient pas vu passer un fuyard. Sur la réponse négative, « Si vous le voyez, ajoutèrent-ils, tâchez de l'attraper et pendez-le sans miséricorde, c'est un espion prussien. » « Un prussien ? » répétèrent les paysans stupéfaits. « Un prussien en France ?» L'un des cavaliers les regarda par-dessus l'épaule. « Imbécile ! Ne savez-vous donc pas que nous sommes battus, battus partout, et que l'ennemi marche sur Paris ?» L'espion ne fut pas découvert au berceau, mais la sinistre nouvelle apportée par ceux qui le poursuivaient empêcha les yeux de se fermer cette nuit-là. « C'est ce maudit empire qui nous a perdus !» s'écriaient les patriotes du cabaret, prêts à confondre dans leur juste colère les grands coupables et les gens trop paisibles du berceau. La plupart étaient trop consternés pour se soucier de l'empire ni des patriotes. Ils ne pensaient qu'à Jacques et à Jean, qui étaient partis. « Hélas !» dit Reinalix. Pour l'amour du gain, nous avons tout envoyé, notre lait, nos œufs, nos légumes, nos plus beaux fruits, jusqu'à nos jeunes filles, à ce Paris qui achetait tout. Nous avons péché par là. Soumettons-nous à notre punition.